Peut-être un petit mot pour remercier Anne-Madeleine Goulet qui m'a invitée à ce colloque. Et je dois dire qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à lui proposer quelque chose parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise dans cette notion de foyer. Donc j'espère que je ne m'éloignerai pas trop du sujet. Et j'ai essayé, comme toujours, évidemment, de partir des documents de ce que l'on connaît et certainement de documents que vous connaissez tous. Et je m'excuse à l'avance d'enfoncer un certain nombre de portes ouvertes. Notre connaissance des professions musicales sous l'Ancien Régime dépend essentiellement de certains types de documents. Les documents réglementaires, les archives privées, sans oublier la littérature professionnelle, et les témoignages apportés par l'iconographie. Pour les musiciens, on peut y ajouter le regard des intéressés eux-mêmes, et je ne saurais commencer cet exposé sans évoquer la très célèbre suite de François Couperin, 11e ordre du 2e livre, qui narre les mésaventures et la déroute de l'ancienne Ménestrandise, sous les termes suivants, et sous les formes d'une sorte de tragédie, comme l'a bien dit Pierre Citron, une tragédie lyrique ou pas lyrique en 5 actes, et qui joue évidemment sur les contrastes. Je rappelle très rapidement, premier acte, une marche sans lenteur d'une solennité compassée pour les notables et jurés ménestrandeurs. Second acte, les vielleuses et les gueux. Troisième acte, les jongleurs, sauteurs et saltimbanques avec les ours et les singes. Quatrième acte, les invalides ou gens estropiés au service de la grande ménestrandise. Cinquième acte, désordre et déroute de toute la troupe causée par les ivrognes, les singes et les ours. Donc un des sujets de ce matin sera de savoir si nous avons affaire à cette ménagerie ou non quand on parle des musiciens, notamment des musiciens professionnels. On sait qu'en 1693, Couperin a fait partie du groupe de compositeurs organistes qui a introduit une action en justice pour éviter de verser la même redevance que les joueurs d'instruments. Cette démarche marque l'éclatement des anciennes structures professionnelles qui encadraient depuis la fin du XIVe siècle la communauté des joueurs d'instruments. Ces règles renouvelées au XVIIe siècle, notamment en 1658, sous la forme de statuts, avait déjà fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment au moment de la création de l'Académie de danse et avec ce fameux écrit dont je recommande la lecture à tous ceux qui ne l'ont pas encore goûté, « Le mariage de la musique et de la danse » de notre cher Dumanoir. Quel est l'objet de ces statuts? Il s'agit non seulement de contrôler l'exercice du métier, il est interdit par exemple de jouer dans les cabarets et lieux infâmes, mais il faut aussi évidemment nourrir les caisses de la confrérie. Pour avoir le droit d'exercer, il faut passer par l'apprentissage pendant 4 ans, montrer ses capacités en obtenant la maîtrise devant le roi des violons et devant 20 jurés, et enfin, c'est peut-être au moins le plus important, payer 60 livres ou seulement 25 livres pour les fils de maître. Un maître de confrérie doit aussi être maître de salle, c'est-à-dire avoir des écoliers auxquels il montre à danser, selon le texte de 1695 sur lequel je vais revenir. Nous avons évidemment des travaux très importants sur tous ces sujets depuis le XIXe siècle et beaucoup plus récemment les très beaux travaux de Luc-Charles Dominique et de Bernard Bardet sur les violons du roi, livre qui va bientôt paraître, et évidemment l'ouvrage préparé sous la direction de Jean Duron sur les violons du roi. Ces règles qui avaient pour objet d'une part un contrôle de la qualité des jeunes musiciens qui voulaient exercer ce métier et qui d'autre part avaient l'ambition de donner les moyens à la communauté établie auprès de l'église Saint-Julien des Ménétriers à Paris, de fonctionner, ces règles ne peuvent déjà plus s'appliquer à la fin du règne de Louis XIII, en particulier à des maîtres de musique indépendants enseignant le chant, le clavecin ou le luth. Et comme l'a fort bien montré Anne-Madeleine Goulet, c'est un tout à fait nouveau mode de fonctionnement et de diffusion de la musique qui se met en place, en particulier dans les salons et les cercles précieux. À la fin du XVIIe siècle, l'autorité des maîtres élus qui régente notamment l'accès à la profession est donc battue en brèche, et les débats et actions judiciaires qui vont durer plus de 2 décennies révèlent beaucoup de l'état de la profession de musicien à la fin du XVIIe siècle. Une des dates importantes est celle de mars 1691, lorsque Louis XIV, à court d'argent, décide de créer et d'ériger en office héréditaire les maîtres, gardes, syndics et jurés des corporations de la ville de Paris, mesure qui touche naturellement les joueurs d'instruments. Quatre d'entre eux, dont deux sont aussi violons du roi, Thomas Duchesne, Vincent Pesant, Jean Godefroy et Jean Aubert, lèvent la somme de 18 000 livres, enfin essayent de lever tout au moins la somme de 18 000 livres pour acquérir ces charges. Les 20 jurés auxquels j'ai fait allusion, qui étaient élus chaque année, sont désormais remplacés par ces quatre syndics qui achètent leurs charges et peuvent la transmettre. L'année suivante a lieu ce qui ressemble à une fusion des joueurs d'instruments et des maîtres à danser, vieux débat, je l'ai dit, depuis les années 60, et en 92 est décidée l'union de leurs jurés avec droit de visite sur tous les maîtres, à l'exception des 13 de l'Académie de danse. Les droits de maîtrise sont revus à ce moment-là, on passe de 60 à 290 livres et 145 livres pour les fils de maître. Grâce aux recherches de Bernard Bardet et à un article très important de Norbert Dufour que je reciterai, on peut suivre les aléas et les abus de pouvoir qui ont été perpétrés par au moins deux de ces nouveaux jurés. Il leur est reproché tout simplement d'avoir récupéré une partie de la capitation, j'en reparlerai, qu'ils avaient perçue. Ils ont aussi essayé d'empêcher l'accès à la salle Saint-Julien aux 24 violons, ce qui évidemment a provoqué des réactions. En 1707, la communauté réagit contre cette mainmise et rachète pour 23 000 livres les quatre charges de juré qui étaient alors occupées par Thomas Duchesne et par ses deux fils. Mais la communauté va ensuite affronter un certain nombre de procédures qui avaient déjà été engagées auparavant, je cite Bernard Bardet, procédures pour les dédommager des frais qu'ils avaient faits pour payer les créanciers de la communauté et soutenir les procès contre l'opéra, les commensaux des maisons royales, les particuliers qui ont prétendu l'art libre, c'est ça qui nous intéresse, sur le fondement de quelques arrêts, et les joueurs de clavecin et autres instruments de musique. C'est le dernier membre de phrase qui est intéressant pour nous. Il partage, on voit qu'il y a une sorte de partage qui se fait implicitement parmi les musiciens en trois catégories. Ceux qui appartiennent à la communauté des joueurs d'instruments, dont les maîtres de danse, les musiciens du roi et les particuliers qui prétendent exercer l'art libre, entre guillemets. Dans ces années, la professionnalisation se traduit donc d'une part par l'achèvement de la fusion entre joueurs d'instruments et maîtres à danser, et d'autre part par une mainmise de l'administration royale sur la communauté grâce à la nomination de ses syndics devenus officiers héréditaires, comme je l'ai dit. Un autre aspect important du fonctionnement de la communauté est le réseau de liens et d'obligations qui repose sur la confrérie de Saint-Julien des Ménétriers. Depuis 1664, quatre pères de la doctrine chrétienne assurent le versant religieux de cette confrérie. En revanche, les Ménétriers gardent la jouissance de la chapelle Saint-Julien, où ils tiennent leurs assemblées et concerts. Et ils ont également le droit de sépulture dans l'église et l'interdiction d'établir d'autres confréries sans leur autorisation. En 1697, 16 maîtres prennent la décision de céder le droit de patronage laïque aux quatre syndics, décision prise par une minorité, 16 personnes sur environ 400 membres de la confrérie, et évidemment ceci sera remis en cause par des procès puis annulé en 1718. Ce n'est qu'une des péripéties. Revenons à la question des autres musiciens auxquels j'ai fait allusion. Musiciens qui ne sauraient entrer dans ces catégories et que l'on va-t-on les appeler particuliers, mais eux-mêmes, en tout cas, vont trouver un certain nombre de moyens de se définir. Pour ceci, il faut pénétrer dans le maquis des textes et décisions contradictoires qui résultent soit d'actions en justice, soit qui matérialisent les décisions royales. L'exercice du droit de visite et du contrôle de la profession est posé dès le 2 novembre 1692 par une déclaration qui interdit, je cite, de s'entremettre dans l'exercice et fonction de maître dudit art, tant pour le fait de la danse que pour les instruments, soit en leur maison ou en celle des bourgeois ou autres lieux, à peine de 200 livres d'amende. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de faire de la musique sans l'autorisation de la communauté des joueurs d'instruments. Les maîtres qui exercent jusqu'à présent sans droit ont 3 mois pour régulariser leur situation à charge de payer les droits. Après une sentence du lieutenant général de police de 93, je cite, interdisant à tout particulier d'enseigner à toucher du clavecin sans auparavant se faire passer maître de la communauté, un arrêt du Parlement de 95 va interdire aux jurés toute prétention sur les instruments à clavier. En vue de ce jugement, les arguments des deux parties vont être très largement développés, notamment dans un long pamphlet de plus de 40 pages qui a le mérite de détailler les arguments et que vous trouverez sur Gallica, le site de l'ABN. Je ne vous cite pas la totalité du titre qui est interminable, simplement les premiers titres. Raisons qui prouvent manifestement que les compositeurs de musique ou les musiciens qui se servent de clavecin, luth et autres instruments d'harmonie pour l'exprimer n'ont jamais été et ne peuvent être de la communauté des anciens jongleurs et ménétriers de Paris qui ont pris le titre de violon, maître à danser, etc. etc. Donc la question est très bien posée. Qui sont les protagonistes? Ils sont très bien connus. D'une part, il s'agit essentiellement d'organistes, Médéric Corneille, Nicolas Gigot, Marin de la Guerre, etc. Je ne vous les énumère pas tout en long. Et auxquels se sont joints, ceci est très important, les organistes de la Chapelle du Roi. Donc on voit qu'il y a une collusion entre des musiciens particuliers, notamment ceux qui tiennent les tribunes d'orgue parisiennes, avec les organistes de la Chapelle du Roi, et ceci est un point évidemment très important. En l'occurrence, il s'agit de Lebègue, Nivert, Buterne et François Couperin, le revoilà. En face, il y a nos quatre joueurs et violons, auxquels s'est joint Guillaume Dumanoir en une sorte de combat d'arrière-garde. Si je reviens sur ce texte qui me semble très très important, parce que nous savons pas par qui il a été écrit, mais il me semble que les arguments peuvent entrer dans la problématique d'aujourd'hui, notamment sur les questions de définition. Qui est musicien et qui n'est pas musicien? Je cite, « La première raison est que les musiciens ne peuvent être d'aucun métier. D'autant que la musique d'elle-même, étant une harmonie ou convenance de son plus pur que la lumière, sa science, une des plus belles parties des mathématiques, son exercice, une pure production d'esprit, l'instrument d'harmonie, un organe artificiel pour l'exprimer et le toucher du dit instrument, une action nécessaire à la dite expression, il n'y peut y avoir rien de mécanique. Partant, les musiciens qui la professent ne peuvent être d'aucun métier. » Je continue, plutôt le pamphlétaire continue. Remarquez que par ce terme de musicien, il faut toujours entendre les compositeurs de musique qui se servent d'instruments d'harmonie pour l'exprimer, et que les instruments d'harmonie sont ceux qui contiennent toutes les parties ensemble, et non pas les violons dont chacun n'en peut être qu'une à la fois. Ça, c'est un argument très fort. Dans le deuxième argument, évidemment, on convoque la Bible comme d'habitude. La seconde raison est la liberté dont on peut dire que les musiciens jouissent depuis le commencement du monde, puisque l'Écriture nous apprend que Jubal inventa la harpe et les orgues, et que depuis la musique a toujours été libre, non seulement en France, et là il y a un autre argument qui est employé, sous le bon plaisir des rois qui l'ont favorisé, mais encore en tous les endroits de l'univers où cette science est connue et appréciée. Troisième argument, l'exercice de la musique est une profession honorable que tout particulier de quelque qualité et condition qu'il puisse être peuvent exercer publiquement sans déroger. Nous arrivons aux ménétriers joueurs d'instruments. Ceux-ci ne sont que des différents violons. Tout au contraire, il s'agit d'un métier vil et abject dont les fonctions pleines de bassesse ont donné lieu à cette manière méprisante de traiter de plaisant violon pour injurier. Et partant, ces deux professions étant incompatibles, les musiciens ne peuvent être dépendants de la maîtrise des violons. Vous avez donc, les arguments sont posés, ils sont suivis pendant plusieurs dizaines de pages d'une discussion point à point des articles de 1658, et on retrouve une phrase qui est assez amusante parce qu'elle me semble correspond tout à fait à l'image que Couperin a voulu donner. Ces jongleurs ménétriers étaient des gens ramassés, dont la cohue nombreuse se nommait la Ménestrandise, lesquels faisaient sauter des singes dans des cercles, des tours de gibecière et autres fonctions de bateleurs, pendant que leurs compagnons jouaient de la vielle. Il y a un autre point peut-être plus important pour nous, qui est la question de l'apprentissage. Le pamphlétaire trouve ridicule que l'apprentissage soit borné à 4 ans, car nous dit-il, le roi qui a honoré la musique et les instruments d'harmonie de ses applications, en connaissant parfaitement les difficultés, bien loin d'avoir fixé un tel temps d'apprentissage, aurait regardé comme des gens sans raison les maîtres qui lui auraient présenté un tel article pour en avoir la confirmation. Attendu que ces 3 ou 4 années ne suffiraient pas à un musicien pour connaître seulement le clavier d'un clavecin ou pour parvenir à tirer nettement le son d'un luth. Le roi est également utilisé plus loin quand il est question de l'enseignement. Et ça, c'est un point très important qui a été d'ailleurs traité récemment dans un article par Florence Gétraud. Il est évident que les musiciens ne peuvent, enfin en tout cas les violons, ne peuvent absolument pas enseigner la musique sur les instruments d'harmonie. Donc une nouvelle incompatibilité entre les deux types de métiers. Par conséquent, je reprends une citation, « S'il a plu au roi de laisser aux particuliers, nés avec quelques distinctions, d'honnêtes moyens de subsister par leur talent sans être assujettis à la roture d'un métier et de favoriser ceux qui professent les sciences d'une pleine et ancienne liberté de les enseigner, ce n'est point aux jurés ménestrandeurs qui ne sont point commis pour régler l'État d'en prendre connaissance. » Par conséquent, les conclusions sont tout à fait claires, je pense. Il y a incompatibilité parfaite entre les deux types d'exercices de la musique. Ce texte n'est qu'une étape, puisque, en fait, dans un premier temps, les particuliers organismes compositeurs vont perdre en 1707, et dans un second temps, ils vont gagner, toujours à coup de textes très longs sur lesquels je passe. Et enfin, le 25 juin 1707, il y a des lettres patentes du roi qui rétablissent sa possibilité d'exercer et d'enseigner sans faire partie de la communauté. Et le demandeur sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les organismes de notre chapelle et autres faisant profession d'enseigner, l'aspect enseignement est très important, d'enseigner la composition de la musique et de toucher les instruments d'harmonie et servant à l'accompagnement des voix. Il aura fallu donc une bonne vingtaine d'années, enfin peut-être pas tout à fait, mais en tout cas au moins 15 ans de bataille juridique qui se situe précisément dans la période que ce colloque aborde, pour consacrer le droit d'exercer librement la profession de musicien. Bataille juridique, je l'ai dit, donc conduite en avant-garde par les organistes parisiens et ceux de la Chapelle royale. Si j'en viens maintenant à deux documents que je vais traiter très rapidement parce qu'ils sont bien connus. Il s'agit d'une part du livre commode des adresses de Paris qui a l'intérêt déjà d'introduire une sorte de hiérarchie entre les musiciens. Je ne reviens pas dessus parce que je sais que c'est un document extrêmement connu et il ne fait plus du tout de distinction, en tout cas entre les joueurs d'instruments et les particuliers, puisque ce qui est indiqué, on va le retrouver en tout cas dans les almanachs jusqu'au XIXe siècle, c'est une catégorisation par instrument de musique. Un autre document qui est très intéressant parce qu'il date aussi de ces années-là, 1695, c'est plutôt une série de documents qui ont été publiés en 1957 par Norbert Dufourcq. Il s'agit des rôles de la capitation. Et là, on voit, cela permet évidemment de voir dans quelle catégorie se situent les musiciens. Il y a trois classes, d'une part organiste ou professeur de clavecin, les uns paient 15 livres, les autres 10 livres et les autres 5 livres. Et puis un certain nombre n'ont pas assez d'argent et ne payent rien du tout. Ils sont donc 95. Il y a une deuxième catégorie qui sont les musiciens symphonistes. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, dans les musiciens symphonistes, il n'y a pas du tout que les joueurs d'instruments, mais il y a aussi, encore une fois, des clavecins et des organistes. Donc là, finalement, la hiérarchie se fait non seulement par instrument, mais aussi par, comment dirais-je, succès, en quelque sorte, dans la profession. Et là, ils sont à peu près une centaine. Et il y a d'autres listes qui ont permis à l'époque à Norbert Dufour que d'avancer, en tout cas des chiffres globaux, pour le nombre de musiciens exerçant à Paris à l'époque, autour de donc 750, mais ceci comprend également les musiciens qui faisaient partie de la chapelle du roi. J'en viens très rapidement, je m'arrête 5 minutes. Je vais vous montrer quelques images, puisque à partir de ces noms, je voulais essayer de voir s'il était possible d'établir une relation quelconque avec des amateurs ou non. Donc je me suis livré à un petit exercice qui a consisté à chercher un certain nombre de dédicaces qui sont tout simplement en ligne sur Gallica. Et je vous donne, si j'ose dire, le résultat des courses. Et il y a donc il s'agit de toutes sortes de livres, que ce soit des livres de clavecin, des livres pour flûte. Vous avez vu passer le nom de Dornel, et notamment des livres de violon. J'ai utilisé évidemment le travail de Lionel de la Laurencie. Et je vous donne une sorte de résultat un peu synthétique. Il y a un certain nombre de livres où il n'y a pas de dédicace du tout. Donc ça veut dire le musicien n'a pas besoin d'argent. Et voilà, c'est le cas de Lebègue, Leroux, Rebelle, etc. Vous avez un certain nombre de dédicaces au roi. Ce n'est pas très surprenant, notamment Louis Marchand. Il y a une des dédicaces de Couperin, Jacquet de la Guerre, Joseph Marchand. On voit apparaître les Conti, mais je sais que Thomas Vernet vous en a parlé ou va vous en parler. Il y a un certain nombre de dédicaces au duc d'Orléans. Donc là, je pense que c'est aussi un des foyers identifiés. Donc je cite rapidement les noms des musiciens. Michele Maschitti, 1704, Charles Laferté, 1707, Clérambeau, François Duval. Donc j'ai toutes les listes. Vous avez une dédicace de Maschitti à Maximilien Emmanuel de Bavière, cher à Emmanuel Couvreur. Et il y a ensuite eu un certain nombre de dédicaces qui nous intéressent peut-être un petit peu plus, parce que là, on pourrait peut-être voir se dessiner un petit milieu d'amateurs, petit ou grand, en tout cas grand par la puissance et la fortune. Il s'agit en fait soit de gens de finance, soit de magistrats. Alors, dans les magistrats, il y a notamment Louis de Lubert qui était président du Parlement. Et c'est dommage que je n'ai pas l'image, parce que quand le Parlement a été exilé à Pontoise, il y a eu une gravure satirique qui montre 3 parlementaires ou 2 parlementaires en train de jouer du violon. Elle est datée de 1778 sur la base de l'ABN, mais en fait, elle doit être probablement du retour du Parlement, donc très, très antérieure. Et il y a le président de Lubert qui est censé, Louis Lubert, qui est censé jouer du violon, et il a reçu la dédicace notamment du livre de Dornel en 1709. Il y a un autre financier qui est Brunet de Rincy, Sénayé. Également Pierre Robert, président de la Chambre des Comptes, un livre de Dandrieux. Donc voilà déjà les parlementaires. Ça, c'est une catégorie. Certains musiciens dédicacent aussi quelques livres à leurs collègues. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt direct. Clérambeau, Raison, Dandrieux de la Lande, Cire et Couperin, tout ceci est connu. Alors, les financiers, ceux-ci m'ont un peu donné un peu plus de fil à retordre, même s'ils sont des gens extrêmement connus. Et il y a en particulier manifestement des luthistes. Donc, il y a un Étienne Landais qui est mort en 1729, à qui un des livres de Delabarre est dédié. Il était trésorier général de l'artillerie. Et il a un père homonyme et qui a eu des fonctions extrêmement importantes auprès de Colbert. Donc il s'agit d'une famille tout à fait richissime. Et un autre personnage appartenant à ce milieu des financiers, c'est un certain Chauvet. Je n'ai pas trouvé son prénom, bien que j'ai cherché. Alors il était trésorier du domaine d'Occident. Donc grâce à ça, j'ai découvert ce qu'était le domaine d'Occident. C'est tout simplement la gestion des finances du Canada. C'est-à-dire, on voit la signature de Chauvet, qui sont d'ailleurs aux archives d'Ottawa. Et ce Chauvet est intéressant parce qu'il y a en fait 2 dédicaces qui lui sont adressées. Et manifestement, c'était un flûtiste amateur. Donc c'est vrai qu'on a tendance à aller tout souvent du côté des violonistes, clavecinistes, mais les flûtistes nous intéressent. Il y a évidemment une dédicace à la demoiselle Bourret que nous connaissons bien, qui est la future madame de la Mésangère. Et la dédicace est fort jolie. Et il y a effectivement encore 2 financiers, Prat et Bartilla, chez Couperin. Donc toutes ces dédicaces sont intéressantes parce que certaines font allusion malgré tout à des liens personnels entre les musiciens et les financiers. Et je vais terminer par une proposition. Vous connaissez le fameux, enfin, qui évidemment est totalement fantaisiste, mais vous l'apprendrez pour ce qu'elle vaut. Vous connaissez évidemment le fameux tableau Bouis, Tournière, réunion de musiciens, etc. Alors j'ai trouvé que le personnage qui était au premier plan avait beaucoup trop de dorures sur son costume. Je me suis dit, après tout, est-ce que par hasard ça ne serait pas un de ces financiers qui s'est mis au premier plan, puisque en fait il y a des dédicaces à ces flûtistes. Donc il y a une pièce de musique qui s'appelle La Landée. Donc finalement, est-ce que par hasard il ne s'est pas introduit dans ce groupe de musiciens un de ces financeurs très très importants qui nous ont laissé quand même quelques traces de leur goût et de leur activité, parce que je précise que les pièces, en tout cas qui portent leur nom, sont extrêmement difficiles techniquement. Donc sont ceux des amateurs ou en tout cas des amateurs extrêmement éclairés et bons techniciens, la question reste posée. Merci.